Vous écoutez Radio Différence, l'émission radio nantaise de diversité psychique. Vous pouvez nous écouter sur www.radiodifference.eu. Le thème d'aujourd'hui, c'est les liens sociaux. Bonjour, je suis André sur Radio Différence et aujourd'hui nous allons parler des liens sociaux. J'ai donc écrit un texte sur les liens sociaux. Nous avons essayé de parler de la stigmatisation des malades mentaux, de la ville, du travail, de la solitude, et maintenant il faut parler des liens sociaux. L'infirmière psy m'a dit « Monsieur, allez vers les autres ». Quoi leur dire aux autres ? Bonjour, je sors de l'hôpital psychiatrique, en général je ne suis pas dangereux, je ne mords pas souvent, je fais juste un peu la gueule parce que ça ne va pas très fort, excusez-moi, mais j'ai des richesses intérieures insoupçonnées, croyez-moi. Je suis quelqu'un de très intéressant et c'est pour ça que je viens vers vous, pour que vous me connaissiez et parce qu'on m'a dit que je gagnais à être connu, et vous aussi vous gagnerez à me connaître, ainsi que tous mes collègues et amis malades mentaux, handicapés psychiques, schizophrènes, bipolaires, maniaco-dépressifs de tout poil et autres déréalisants, délirants ou marchant à côté de leur pompe. Nous ne sommes pas tout à fait normaux, pas tout à fait comme vous, mais vous verrez, tout va bien se passer, la rencontre se fera, le dialogue va s'instaurer et progresser dans l'amour, l'harmonie, la joie et la compréhension. Il faut être résolument positif et bannir la peur et les préjugés. Nous ne sommes pas méchants du tout, au contraire, il suffit de nous caresser dans le sens du poil et nous allons vous lécher la main comme de bons toutous gentils et affectueux. Mais nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des êtres humains comme vous. Comme vous, nous souffrons, d'une façon différente peut-être, mais nous sommes vos semblables, nous avons nos joies, nos peines, des difficultés à établir des liens sociaux, comme beaucoup de gens. Je fais une petite pause pour laisser la parole à quelqu'un d'autre. Donc bonjour, je suis Julie, la coordinatrice de Radio Différence, et je vais demander des questions à Colette. Bonjour Colette. Bonjour. Oui, bonjour Colette, donc je voulais savoir ce que tu penses des liens sociaux, est-ce que tu penses que c'est utile ou pas ? Je pense que c'est utile. Pourquoi ? Est-ce que tu trouves que tu as assez de liens sociaux en ce moment ? J'ai assez de liens sociaux en ce moment, mais je sais pas si je vais les conserver. Est-ce que t'aimerais avoir plus de liens sociaux ? J'aimerais avoir plus de liens sociaux, oui. C'est quoi tes liens sociaux en ce moment ? Ouais, des amis, quelques amis. Est-ce que ça compte, tout à l'heure tu parlais du CATTP, le centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Est-ce que pour toi c'est un lien social important ? Ouais, c'est un petit lien social important. Mais c'est pas suffisant, on a besoin de voir autre chose. Est-ce que les associations, pour toi, c'est suffisant comme la sociale ou pas ? Les associations, il faut sortir de son côté aussi, ne pas trop compter sur soi. Ouais. Merci Colette. Les liens sociaux sont difficiles pour les timides, les timorés, les angoissés, les gens qui se sentent différents parce qu'on les a parfois mal reçus ou rejetés. Mais rien n'est perdu pour autant, il ne faut pas perdre confiance, il faut avoir confiance en soi, se faire confiance et faire confiance aux autres. Chacun a ses fragilités et ses doutes. Il faut en tenir compte. Être indulgent envers soi et les autres. Tout le monde a plus ou moins peur de la rencontre. Il faut s'apprivoiser mutuellement. Avec de la patience et du temps, on y arrive. Pour bien aller à la rencontre des autres, il ne faut pas craindre d'aller aussi à la rencontre de soi-même, savoir qui on est, ce qu'on vaut. C'est sans doute pour ça qu'on va voir les autres, pour leur demander qui on est, qui est l'autre, qu'est-ce qu'il cherche, sans doute la même chose que nous. C'est très difficile de rester seul, enfermé en soi-même. Il faut sortir de chez soi et sortir quelque chose de soi, dire qui on est avec précaution, prudence et circonspection pour ne blesser personne. Parfois ça rate. Il y a des frictions, des incompréhensions, mais tout ça n'est pas bien grave, c'est le métier qui rentre. Les relations sociales, ça peut être un métier, un vrai boulot, une activité à plein temps qui peut rapporter gros, ça peut donner du sens et du goût à la vie. Le sens de la vie, ce n'est même que ça, les relations humaines et aussi les relations avec les animaux, les plantes, les minéraux. Mais je m'égare, où en étais-je? Je crois qu'on n'est jamais seul, même quand on est qu'en sa seule compagnie. On peut être présent à soi dans la solitude et se préparer aux prochaines retrouvailles avec les autres. On a à prendre soin du lien avec soi-même comme du lien social. On est soi-même la société. On fait partie d'un tout, ce qui ne dispense pas de prendre soin de son individualité propre. J'ai longtemps souffert de difficultés relationnelles, de timidité, de troubles de l'élocution, de repli sur moi-même, refus de communiquer ou rien à dire, pratiquant plus facilement l'intériorisation, le mutisme, tombant dans la dépression, l'isolement, l'ennui, le blocage, l'angoisse, la dévalorisation, le manque d'estime de moi-même. Encore maintenant, je ne vais pas facilement vers les autres. J'aime le silence, écouter, lire des livres, écrire pour moi. Je ne me suis jamais beaucoup senti porté vers les autres, et ça m'a posé des problèmes. J'ai implosé et me suis retrouvé en psychiatrie. Là, il y avait du monde, un monde fou. Et j'ai recommencé à avoir des contacts sociaux, ce qui a été pour moi comme une renaissance, une résurrection après un isolement de 2 années qui avait été comme une sorte de mort. Je me suis rendu compte que j'avais, comme tout le monde, un besoin vital de contact avec les autres. Ce sont les autres, soignants de l'hôpital, les collègues hospitalisés qui m'ont rendu à moi-même. J'avais voulu plonger tout seul au fond de moi pour voir s'il y avait quelqu'un, qui j'étais, et je n'ai trouvé personne. Personne et rien d'autre qu'un besoin, une nécessité urgente de voir du monde, et que le monde me voie et me dise que j'existe, que je suis quelqu'un, une personne digne d'être aimée et considérée. Je n'en étais pas très sûr, et maintenant je suis comme tout le monde. J'ai besoin d'être rassuré, aimé, détesté, contesté, pour qu'on me confirme que j'existe bien réellement, que je ne suis pas un rêve, un fantasme, que je ne dors pas, que je suis bien arrivé sur Terre, que je suis né et que je ne suis pas tout seul sur Terre. La solitude me fait peur, mais depuis tout le temps qu'elle me tient, elle ne me lâche pas. Il faut préserver sa solitude, mais des liens sociaux équilibrés sont un remède au mal-être et à l'angoisse. La peur, dit-on, est la cause de tous nos maux, physiques et psychiques. Le dialogue est parfois salutaire, sans négliger les bienfaits d'une présence silencieuse en compagnie d'autrui. Yves Simon chante dans un de ses textes, « Raconte-toi, le silence est souvent complice ou trompeur. » Encore faut-il pouvoir se dire, les médicaments, quoi qu'on en pense, nous y aident dans certains cas, mais ils ne suffisent pas. La parole qu'on est allé chercher au fond de soi est la plus importante. Cette parole, je ne l'ai pas trouvée seule, je ne l'ai pas inventée. Certaines lectures m'ont aidé. Je lis souvent et les livres me sont d'un grand secours. J'aime lire et écrire. Ces deux activités me permettent de m'exprimer et de me dire. Ça favorise les liens sociaux et me permet de sortir de mon isolement. Pour bien vivre, j'ai besoin d'un juste équilibre entre les temps de solitude et de silence et les temps de rencontre et de dialogue. Les liens sociaux, donc Christian, les liens sociaux, c'est pour comprendre la solitude, son handicap, ses problèmes, ses difficultés, avec n'importe quelle association et constitution agréée et reconnue, existante. Ça permet de ne plus être seul, avoir des liens amicaux et respectables et conviviales, de comprendre, d'apprendre, avoir des échanges conviviales et respectables pour toute personne à toute tendance différente et indifférente, religieuse, politique et non religieuse et autres, à apprendre à vivre ensemble sans vouloir s'imposer. C'est aussi à ouvrir des portes ou ouvrir n'importe quelle porte et de bien vouloir ouvrir aussi sa porte de sa personnalité, quelle qu'elle soit, à chacun, pour bien avancer, de créer son avenir, de s'en sortir, de bien vouloir s'en sortir, de bien vouloir changer ou de changer, de résoudre, de réussir, de pouvoir travailler ensemble, d'avoir des projets pour prospérer, pour construire. Bonjour, je suis André François et je vais vous dire quelques mots à propos des liens sociaux. Pour les liens sociaux, c'est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental dans la vie humaine. En fait, un être humain qui naît, il est déjà au milieu du lien de ses parents et en général aussi du lien de sa famille et parfois de la famille agrandie, on va dire jusque aux voisins, aux gens du village et des choses comme ça. Et dans l'enfance, les liens sociaux sont construits par le cadre. On va à l'école, plus tard on va au collège, ensuite peut-être on fait des études ou pas, mais à ce moment-là c'est toujours un cadre qui est donné par l'extérieur. À partir de l'âge adulte, du moment où on quitte un petit peu la protection des parents, la protection des institutions, à ce moment-là, on a des liens sociaux, si on en a une dans la profession. Si on n'a pas de profession, eh bien, on rencontre aussi des gens, parfois par contrainte. On n'a pas toujours choisi d'être là où on est. À d'autres moments, on choisit d'aller quelque part, mais là aussi, on choisit peut-être peut-être de travailler à un certain endroit, ou peut-être de vivre à un certain endroit, mais qui on rencontrera, ou quel voisin on aura, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas vraiment. Pourtant, c'est extrêmement important, parce qu'on est toujours autant on a soi-même peut-être des choses à vouloir faire ou à vouloir dire, autant les contraintes de l'extérieur sont parfois aussi importantes. Et donc là, il y a quelque chose qui pourtant est très important. On a absolument besoin, on ne peut pas s'en passer, même il y a très peu de gens qui réussissent à subsister en ermite. C'est quelque chose d'extrêmement difficile de ne pas avoir de liens sociaux, ou d'en avoir très très peu. Ensuite, la vie peut aussi emmener quelque part, là où on ne croyait pas qu'on allait aller, dans différents pays, dans différentes villes, dans différentes régions, et puis, aussi pour les gens qui ont affaire avec la maladie, parfois dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques, là aussi on n'est pas toujours volontaire pour y aller. Et le temps qu'on y passe, on n'est pas toujours maître de ce temps, l'extérieur est assez important. Il arrive dans la vie que l'on peut se retrouver dans une certaine solitude, parce qu'on n'a pas réussi à avoir des liens durables avec une personne, oui, privilégiée, je dirais, peu importe son genre. On n'a pas donc pu tisser des liens durables, on est peut-être aussi plus ou moins abandonné par la famille, et il peut se trouver des moments où on se retrouve seul. J'ai connu comme ça quelqu'un qui était complètement seul, qui n'avait plus aucun soutien de nulle part. À ce moment-là, il venait encore au Resto du Cœur où je l'ai croisé. Et puis finalement, il venait plus. Et en fait, il avait pété les plombs faute de contact, faute de personnes avec qui échanger. Et je crois que c'est presque normal. Quelqu'un qui a trop peu de contact, il y a un moment où il n'arrive pas. Moi-même, quand je suis arrivé à Nantes, il y a donc bientôt 4 ans, je connaissais personne. Je suis venu ici pour un travail hypothétique qui a duré quand même 6 semaines, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et quand j'ai vu notamment un petit article à propos du GEM, j'y suis allé assez vite pour pouvoir rencontrer des gens, tisser des liens. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus facile de vivre quand on connaît... même si c'est peut-être que 30 ou 50 personnes, non pas des centaines, mais quand même, c'est plus facile que quand on ne connaît personne et qu'on arrive étranger. Voilà, on pourrait en dire plus, parler notamment de ce qui se passe quand on prend de l'âge, mais ça, ce sera peut-être une autre fois. Voilà. My love. Bonjour, je m'appelle Rémi. Je vais m'entretenir avec vous à propos des liens sociaux. Je vais prendre une image un peu botanique. Je vais parler de la marguerite. On arrivera bientôt au printemps, alors les marguerites vont sortir de leur prairie. C'est une image, une métaphore sociologique qui m'avait été enseignée à la faculté de lettres par un professeur. Et c'était tout à fait charmant. Il disait que chaque individu était au centre de la marguerite, dans le bouton jaune de la marguerite, et que tous les pétales de la marguerite blanche, il y avait des petits boutons jaunes qui étaient des autres individus et qui ont été reliés à ces individus. Et lesquels individus, au bout des pétales, les petits boutons jaunes, étaient reliés, étaient eux-mêmes des centres de marguerite qui étaient reliés à des boutons jaunes de marguerite. En fait, tout le monde appartient à un grand réseau. Le religere, c'est le relier. C'est en italien, religere signifie relier. L'avenir, c'est de relier les personnes qui sont en difficulté de reliaison ou de liaison avec des amis, des copains, des relations au sens même trivial. On a affaire tous les jours à son buralis, ou tous les 15 jours, tous les 3 jours, si on est fumeur. Les relations commerciales peuvent être intéressantes pour les commerçants, qui sont quand même des gens honorables, qui font leur métier, qui attendent dans leur magasin les clients, et qui sont souvent, qui peuvent être gentils avec les clients. Il y a quand même une transaction qui se fait, qui pourrait devenir plus humaine entre les commerçants et les clients. C'est sûr, lorsqu'on tient un commerce où on a beaucoup de clients, on peut pas se permettre de passer son temps à tenir salon entre deux éclairs ou entre deux baguettes ou entre deux paquets de cigarettes. On les comprend, on les excuse. La relation de religieux, c'est peut-être le moment où il faut une renaissance de la personne, une renaissance spirituelle qui engage à tenir l'autre comme le miroir de soi-même. C'est-à-dire que la rencontre avec l'autre, l'autre, l'équivalent, le même, la mêmeté de la personne dans son essence, comme disaient certaines personnes, les monades, comme disaient les philosophes du 19e siècle, les monades, c'est-à-dire des individus. Les individus s'individualisent moins, un passage par une individuation, pour se connaître soi-même, mais après de se lâcher prise, et devenir une personne sociable, avec une socialité, c'est-à-dire tout un confort intérieur, mental, comportemental. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais il faut savoir se relâcher un peu au niveau tension psychophysique. Le système nerveux central est très compliqué, c'est pas toujours gérable. Donc les médecins psychiatres font ce qu'ils peuvent pour guérir les personnes en fragilité. Pour moi, il y a de la fragilité, il n'y a pas trop de nosographie, d'étiquetage. Il faut faire très attention aux étiquetages des spécialistes de la psychiatrie. Moi, lorsque j'ai eu affaire à des premiers psychiatres, c'était à l'armée. C'était pas du tout parce que j'étais contre les armées, mais je me suis fait réformer pour faire des études, pour continuer mes études. Donc j'ai eu une relation avec des tribunaux militaires, j'ai eu des relations avec des professeurs. Et bon, maintenant c'est passé. Non, mais il faut pas voir le passé. Il faut essayer de pas vivre dans le passé. Le passé, c'est une structure solide. Cette structure solide, on peut pas la modifier. Une sœur de l'enfant Jésus disait, Dieu te donne ce jour-là, ce jour t'appartient, le lendemain ne t'appartient pas. Il faut faire en sorte que le lendemain nous appartienne un petit peu, pas complètement, parce qu'on peut pas programmer les aléas du lendemain. Ceci dit, religieux, c'est relier les pâquerettes entre elles, toute la planète. Actuellement, pas toute la planète, bien sûr, parce qu'il y a toujours des tribus ou des localités reculées où il y a des personnes qui vivent en petits groupes, en petites tribus, et qui sont un peu isolées de la technologie du monde occidental. Mais en principe, se relier tous ensemble sur la planète, c'est un bon plan, parce que on pourra résoudre certains gros problèmes, tels que le problème de l'agriculture dans les pays sous-développés, pays émergents. Beaucoup de travaux ont été réalisés, bien sûr, quelquefois des travaux un peu trop fondamentaux qui sont pas complètement utiles. Il faut beaucoup de techniciens, il faut beaucoup de toutes les professions, tous les agents sociaux, comme dit Bourdieu, sont nécessaires. On est tous des agents de société. Après, il y a des étiquettes, on est boulanger, on est ceci, on est cela. Ceci dit, je vous remercie, j'ai bien parlé, je vous remercie et à bientôt. C'était Rémi.